qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, automatiquement, s'il vient me voir et qu'il me demande qu'est-ce que tu penses de ça, il perd l'opportunité de saisir, de mesurer l'intelligence dans sa tête qui vient de passer. Si j'y réponds, je ne fais pas une faveur. C'est pas ce que l'on reçoit dans notre tête qui est croche. C'est le fait que c'est teinté par notre émotivité. Ça, c'est une clé. C'est pas ce qu'on reçoit dans notre tête qui est croche. C'est le fait que c'est teinté par notre émotivité. Si c'était pas teinté par notre émotivité, on le recevra autrement. On le percevra autrement. Prends un rayon de lumière et envoie-le dans le bout et envoie-le dans l'autre clair. C'est le même rayon de lumière. Alors moi, je vous dis, apprenez à prendre ce qui passe dans le bout, mais à le réaliser à travers le bout. C'est juste un diamant dans la boue. Tu vas chier le diamant, tu vas sortir de la boue. Mais tu as assez de discernement pour réaliser que même si c'est dans la boue, tu peux le laver après. Mais si tu le laisses là parce que c'est dans la boue, là, tu viens de perdre un diamant. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Ils nous passent des pensées qui sont pas juste, parce qu'ils passent dans la boue. Mais c'est des pensées. C'est à nous autres de les prendre comme ils sont, crottés, puis de les décrotter. Puis on les décrotte en ne s'attachant pas à la crotte. C'est ça. Ça te dit ça? Oui. C'est comme ça qu'on décrotte. Oui, oui. Faut être détaché face à la pensée. Ouais. Fait qu'il reste rien que l'intelligence dedans. Puis l'intelligence. Puis là, tu t'aperçois que c'est pas ce pensée-là, pantoute, qui devait passer. C'est un autre. Il y a d'autres choses. Je vous donne un exemple. C'est très. Tu t'en vas sur la rue, tu conduis ton char, puis tu reçois une pensée dans ta tête, tu vas avoir un accident. Ça, c'est l'astral. C'est l'astral qui déforme la lumière. Si t'es intelligent un petit peu, tu dis, qu'est-ce que tu veux dire? Là, ça va arrêter. Ou, ça peut continuer, ça peut dire, là, je m'amuse, ou je te taquine. Ou, ça peut dire, il y a eu un accident, mais c'est pas toi, c'était au coin de la rue, là. Tu comprends? Tu l'as décroté, la pensée, puis t'es rentré dans l'intelligence. Mais, tandis que vous autres, vous la pensez, elle vient, puis vous restez avec. Vous savez plus quoi faire avec, vous êtes pogné avec. Là, tu vois un accident, là, t'as peur, là, t'as inquiété. Là, t'es inquiète, là, les émotions viennent. C'est pas les ajusteurs de pensée qui nous cassent les pieds. C'est l'astral. Puis c'est permanent, nous autres, l'astral. La chose que j'ai invité en forme moi, de expérientiellement dans ma corps. Expérience, là. Quand c'est l'intelligence, là, ça fit. Ce que tu ressens dedans, là, c'est de la satisfaction. Mm-hmm. C'est satisfait. Tu sais, quand tu fais une job propre, tu dis ça, c'est de la bonne job. C'est précis. Il n'y a pas de bavure. C'est clair. Ça, c'est l'intelligence. Okay? Quand c'est de l'astral, que je reçois quelque chose, c'est vrai que c'est pas propre. Je suis obligée de travailler rationnellement pour discerner. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je commence à rationaliser dans tout. La minute que je faut que je travaille dans mon intellect inférieur, dans mon intellect, pour comprendre ce que je viens de dire, ça ne va pas de la merde, on ne veut pas la faire de toucher à ça, parce que ça, c'est l'énergie perdue, c'est l'analyse, ça ne donne rien. Moi, je me dis, mon agiteur, là, mon idée, son corps, ça va pas tout. Je l'entends pas. Parce que moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas capable de m'étirer les oreilles du plan astral à l'intérieur pour te rejoindre. Sacrément, j'ai passé de l'énergie pour ça. Tous les dessins. Je vais te reconnaître, par exemple, quand tu vas descendre. Puis ce qui est difficile, c'est d'établir la dualité entre l'ajusteur et le souhait. Ça, ça complique les choses. Moi, ouais. OK, laisse-moi parler de ce point-là. Vous allez en arriver à un point où il n'y en aura plus de dualité entre l'ajusteur et vous autres. Puis quand il n'y a plus de dualité entre toi et l'ajusteur, c'est là que tu es réellement intelligent. Le seul moment où il y a de la dualité entre toi et l'ajusteur, c'est quand il te parle dans ta tête à toi, pour ton propre, pour ta propre conversation personnelle. Mais aussitôt que tu fonctionnes dans le monde, il n'est plus supposé être là. C'est un. C'est là que ça fait. Là, il descend. Ouais. Comme moi, là, je titre, là, je vous parle, là, je suis pas capable d'y parler. Comment j'essayerais, je suis pas capable. Ça, l'énergie, elle descend, là, puis ça sort par ici. Là, tout à l'heure, je m'en vais, mais j'arrête, là. Lui, il va dire, bon, je suis content, ça va être une bonne soirée. Papa, papa, il va jaser, papa, papa. C'est vrai? Fait que là, je suis pas intéressé à parler avec lui. Je suis intéressé à parler à vous autres. Fait que là, ça descend. Puis dans les premiers temps, quand tu commences à parler, quand tu commences à parler, ben, à dire à quelqu'un quelque chose d'intelligent, d'abord parce que ça sort, moi je trouve que ça sort par la parole. C'est quasiment comme ça que tu le reconnais, que c'est intelligent. Tu dis, oh, ça c'est bon ce que je viens de dire. Parce que tu vois le fitness de l'affaire. Okay? Puis quand tu le dis, ton mental inférieur, là, il vibre les premières fois. Je doute. Ça coupe la parole. Là, que vous voyez, t'as vibré, tu sais. Quand ça fait vibrer ton mental à l'intérieur, ben ça porte pas à être trou, tu sais. Ou bien non que ça reste, puis ton mental, sur le plan émotif, la même chose. Parce que quand tu aimes quelqu'un, puis t'es intelligent, tu dis ce que tu dis. L'autre, ça se peut bien qu'il soit pas intelligent, mais quand tu commences à te préoccuper de l'autre, au plan mental, oh, mon Dieu, j'ai rêvé, tu sais. Je m'entends parler, puis je dis, tabarouette, par exemple, un matin, j'étais à quelqu'un, ton problème, c'est que t'es jaloux comme un pigeon de ta femme, tabarouette, toi, dans tes bébelles, je l'ai vu blâmer d'un coup sec, tu sais. Là, c'est la résonance de sa vibration que j'ai reçue, puis j'ai coupé ça. C'est comme ça qu'on s'ajuste les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on ajuste sa parole. Mais quand l'intelligence, ça fit, ça force pas. Il n'y a pas de part dans l'intelligence. Non, puis c'est jamais de nos affaires. Non. Ça arrive de façon spontanée. Parce que c'est subtil, ces affaires. Tu parles le matin. Tu sais, bien subtil. Une journée, il y a un couple qui vient me voir à un séminaire. Il y avait des problèmes de sexualité. Là. Là, je leur ai parlé de leur sexualité pendant 10 minutes de temps. Je savais que dans leur chambre. La bonne femme a venu rouge, jaune, le bonhomme, sa peau se met. Mais moi, là, qui est la partie de soi-même qui peut faire interférence avec la lumière, l'astral, il était pas là. Fait que je continue. Naturellement, ça crée des chats. Quand ça, je rebalance là, je dis, imaginez-vous pas que je m'en vais dans l'astral dans votre chambre pour voir le soir, parce qu'il y a du monde qui pense que je me remets dans le métro, moi, ouais. Mais là, tu fais du travail. Parce que là, ça éclaire, ça éclaire, ça éclaire. Mais aussitôt que tu te mets là-dedans, puis tu veux pas déranger trop, puis tu veux pas, c'est là que tu coupes. Tu peux pas confondre les choses. Ouais, tu peux pas prostituer la vibration de l'intelligence. Non. Seulement foutre des reins solides, parce qu'éventuellement, elle passe, puis elle te met sur le spot. Oui. Mais il y a du monde, par exemple, qui pense qu'ils parlent dans l'intelligence, puis quand c'est les autres qui ne sont pas dans l'intelligence. Ils sont dans l'énergie de l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas ajustée encore. Ils sont dans l'énergie de l'intelligence, mais l'intelligence n'est pas ajustée, parce que l'intelligence, quand elle est ajustée, là, écoutez bien ça, l'intelligence, quand elle est ajustée, elle est parfaite. Et quand elle est parfaite, elle ne détruit rien pour construire quelque chose. Elle détruit simplement pour ne laisser rien en arrière. Pour que le quelque chose qui doit être construit se construise par lui-même. Il n'y a pas de lien. Jamais. Mais ça, c'est parce qu'ils ne sont pas ajustés encore à leur intelligence. Bon. Et ça fait partie de cette vibration. Dave? sur cette vibration. Sur cette vibration? Bon, ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, le plan matériel, là, il faut le respecter. Tu veux dire dans sa vibration? Dans sa vibration. Ouais, okay. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, ce que je fais l'expérience, ce que je vois dans mon bureau, là, c'est qu'il y a du monde qui se mêle de faire la psychologie à tout le monde. Là. Rien comme ça, moi. Seulement, il mêle les gants. La vibration de l'intelligence va me rejoindre dans ma compétence sur le plan matériel, pas ailleurs. Mm-hmm. Par exemple, moi, quand je suis dans mon bureau, je suis certaine de moi, je suis certaine que je ne fais aucune guerre. À partir du moment où que j'encontre quelqu'un dans un café, ou ici, après à une conférence, ou avec qui vient, Hélène, je veux te parler. Là, il me demande des affaires. Je ne suis plus dans ma vibration, dans mon champ de compétences. Je m'appelle Tiki comme tout le monde, je m'appelle Hélène comme tout le monde, j'ai plus de compétences parce que je suis en train de prendre le café. Puis ce que je vais te dire, là, c'est du chi matériel. Tu comprends-tu? Ce que je veux dire, c'est que la personne, elle va avoir une consultation gratuite, là, elle va avoir quelque chose de cheap. Je pense qu'elle mélange une chose. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Le garagiste qui fait sa job de garagiste va devoir parler à l'intérieur de son champ de compétences à lui. Mm-hmm. Parce que dans l'illusion, souvent, quand à un moment donné, je prends la parole, je ne dis pas que je vais me trouver une tribune pour parler. J'ai pas envie de vous parler, je parle là où j'ai à faire ce plan matériel, ce que j'ai à faire. Mm-hmm. C'est tout. Sans ça, tu perdras trop d'énergie. Bien certain. L'affaire du champ de compétences, là, pour développer ça, cette affaire-là, c'est intéressant. C'est que le champ de compétences, c'est la limite de l'intelligence active dans vos vies. Mm-hmm. Puis en dehors de ça, vous vous reposez et vous buvez du coke. Parce que si tu commences à être compétent, tu perds tout dans la vie, tu n'arrêteras plus, tu te brûles. Puis ça, si je rapporte ce principe-là à moi-même, là, c'est un petit peu pareil. Moi, je suis compétent quand je vous parle. Puis quand je crisse mon camp chez nous, je veux dormir ou je veux me reposer. Puis viens chez nous prendre un petit café, mais parle-moi pas de ce qu'on parle dans le champ de la compétence. Ça, c'est une protection pour nous autres, sans ça, on se viderait. Fait que c'est dans notre garage qu'on est compétent, puis quand on sort... Ça, ça fait partie de la haine. Ça fait partie c'est de... C'est capable de dire non. Ça fait partie de l'intelligence, ça. Ça fait partie d'avoir souffert les abus des égos astralisés. Ça fait partie d'avoir souffert, pas les abus conscients du monde, parce qu'il n'y a pas d'abus dans la conscience, mais des abus. Les gens abusent de toi, non pas parce qu'ils veulent abuser de toi, mais parce qu'ils ont tellement de besoin de telle chose, telle chose, telle chose. Puis si t'as pas l'intelligence, tu vas te faire vampiriser automatiquement. Pas parce qu'ils veulent te vampiriser. Parce que les gens, s'imaginent, sont toujours tout seuls. Moi, je connais à peu près, je sais pas, peut-être 1500 personnes dans la province de Québec. Puis ils pensent que quand ils viennent me voir, là, c'est rien qu'eux autres puis moi. Là. Ils réalisent pas qu'il y en a 1500, puis ils réalisent pas que j'ai déjà 1500 au téléphone. T'sais. Ils pensent que dans le moment, là, c'est rien que... Puis des fois, selon la vibration, là, on retombe dans notre compétence avec eux autres. Là, on leur parle parce que c'est important, ainsi de suite. T'sais. Mais on peut pas être de même tout le temps. Fait qu'on est obligé de mettre un stop. Fait que t'es obligé de mettre un stop à ta compétence. T'es obligé de mettre des limites, parce que si tu mets pas de limites, c'est évident que les gens vont venir, puis éventuellement, tu vas crever. Il faut revenir à la vibration d'être ajustable, t'es capable de supporter les vibrations. C'est partie de la force, toi. Pour supporter les vibrations. C'est pour ça que je parle. Ouais, mais lui, si t'es dans la vibration de l'ajustable, lui, il va t'accouper l'affaire. C'est parce que c'est là que l'intelligence. Fait que ce qui arrive, c'est que les gens, à cause de leur astral, lui, il veut bien couper l'affaire, puis dire, bon, ben arrête, là, t'as assez travaillé, là, va-t'en chez vous. Mais l'astral, non, il veut continuer l'astral. Si on était dans notre vibration tout le temps, on serait bien plus raide qu'on est. D'ailleurs, on devient raide avec le temps, parce qu'on devient intelligent avec le temps, volontaire avec le temps. Fait que plus tu deviens conscient, plus tu deviens raide, plus tu restes dans ta compétence, puis plus quand tu t'en sors de ta compétence, c'est fini, tu te reposes. Mais avant de rentrer dans notre vibration, là, on a des sentiments, l'amour pour les autres, l'amour pour autrui, puis changer le monde, puis aider le monde, puis graisser la belle-mère. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Éventuellement, on comprend, puis là, on commence à... C'est ça que je dis, tous les égos sont vampiriques. Pas parce qu'ils veulent, mais c'est la nature de l'astral. Il y a un gars qui a appelé Gisèle à 4h du matin, là, tu vois, amène-toi. Puis j'ai dit à Gisèle, j'ai dit, à 11h, femme de bureau, elle est de 9h à 11h le soir, ça commence à être un chiffre. Elle n'a pas le temps d'aller pisser. J'ai dit, bordez le bureau. 4h du matin. Puis c'est pas toujours des cas de suicide. Bonjour, comment ça va? Tu sais-tu comment est-ce que je m'appelle? C'est quand qu'elle reçoit des téléphones, tu sais, puis ça arrive souvent, c'est des 50, 60 fois. Tu sais-tu comment est-ce que je m'appelle? C'est des gens qui réalisent pas qu'elle est connectée à 1000 personnes, 1500 personnes. Si elle réalise, mais ça passe la vibration, ça crée un choc vibratoire. Identifie-toi. Commence à faire comment tu t'appelles? Mais les gens ne réalisent pas. C'est parce que les gens ne réalisent pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans cette compétence-là. Si les gens étaient dans la compétence de parler avec du monde, puis de communiquer avec du monde, puis aider du monde, dans n'importe quel domaine, surtout dans le domaine de la psychologie supplémentaire, ils comprendraient exactement ce que c'est. Tu peux pas, faut que tu arrêtes. Il y en a un autre qui va poindre, mais vite, là, elle va commencer en sexologie, là. Même chose. Elle va apprendre. Éventuellement, elle va être obligée de... Parce qu'il y en a du matériel en sexologie. Les gens qui ont des problèmes sexuels, mais on est obligé éventuellement de... D'ailleurs, c'est là qu'on en arrive à pouvoir... C'est fantastique, la haine. C'est fantastique. Moi, j'espère que les gens le prennent bien objectivement, ce que je veux dire, puis qu'ils n'essaient pas de ramener ça au niveau astral. C'est pas de la merde. La haine, c'est fantastique. Quand tu peux haïr là, dans le mental, là, détruire les conditions qui assujettissent l'homme à toutes sortes de choses, c'est incroyable comment est-ce que tu te sens bien après. C'est un tonique pour l'esprit. C'est fantastique. C'est de valeur que je puisse pas parler de ça à la télévision. Ça aiderait bien du monde. Parce qu'il y a bien du monde qui sont prêts à comprendre bien les affaires que je dis qui sont dans la population quelque part. Mais tu ne peux pas dire ça à la télévision. Les gens ne comprendront pas. C'est ça qui te permet aussi de tuer l'émotion. C'est ça qui te permet pas de tuer l'émotion, de te désengager de son pouvoir sur ton esprit. Faut jamais tuer l'émotion. Faut désengager de son pouvoir sur ton esprit. Moi, j'ai rien contre l'émotion. Amène-moi voir un beau balai, là. Puis amène-moi voir un building qui était bien construit par un architecte. Là. Moi, je le sais, j'étais allé au Texas avec ma femme une fois. Je suis rentré d'un hôtel, puis je suis monté en haut dans les élévateurs, puis j'ai regardé ça d'en haut, puis là, j'ai parti à pleurer. Ça n'est de l'émotion. Mais c'est l'énergie de l'intelligence qui fait vibrer créativement le corps astral pour apprécier ce que l'intelligence dans l'homme a fait. Puis c'est pas ce que le gars a fait qui m'intéressait, qui me faisait vibrer. C'était le fait que je savais qu'il y avait eu de l'intelligence qui était descendue en lui. C'est pour ça que j'avais pleuré. Fait que l'émotion est là. Seulement que t'es pas prisonnier de cette émotivité-là. Parce que vivre l'émotion, ça fait partie de vivre dans la matière. Ça te fait apprécier la matière. C'est l'émotion, c'est la corde vitale de l'esprit quand l'homme est conscient. Puis l'émotion, c'est le lien de la mort quand l'homme est inconscient. C'est le lien vers la mort. C'est la corde qui mène vers la mort quand l'homme est inconscient. Puis quand tu es conscient, c'est une corde vitale. Moi, je peux passer 2 semaines sans manger, rien qu'à parler, et je n'ai jamais besoin de nourriture. Je me nourris rien qu'à parler. Le mental peut le faire, l'émotion peut le faire, n'importe quoi peut le faire. 2 semaines de temps, je m'assis puis je pars. Je me nourris de parler, puis ça descend jusque dans mes bottines. C'est normal. Mais on ne vit pas nos émotions. On est assujetti à nos émotions. Une émotion, ça devrait toujours être... Ah, ça, c'est intéressant. Une émotion dans l'homme devrait toujours être une règle de mesure, une mesure de la beauté dans l'esprit. Fait que si t'écoutes Chopin joué par un gars, ou si t'écoutes Schubert joué par un autre, ou si t'écoutes Zemfig, quand t'écoutes n'importe quoi, on va prendre les arts, là. Quand t'écoutes les arts, il y a une vibration qui descend, qui fait vibrer. Ça veut dire c'est beau. C'est ça la fonction de l'émotion. La fonction de l'émotion, c'est de faire apprécier l'intelligence créative dans l'homme. Pas l'abrutir. Fait que si t'entends un concert de musique, un concerto, puis il y a une vibration qui descend. Mais le moment où ça descend, le petit moment où ça descend, là, parce que ça ne va pas durer tout le long du piano, ça ne dure jamais tout le long du piano, parce qu'il n'y a pas un artiste qui est capable d'être parfait tout le long. Trouve-moi un artiste qui est capable de regarder les répertoires des grands artistes. Ils s'en vont sur scène à la Place des Arts, là. Là, ils arrivent avec, vous autres, vous appelez ça des succès. Les succès. Palmarès, machin, chouette. Bon. Là, le palmarès, là, le gars, il annonce qu'il va jouer, ça, qu'il va chanter telle chanson. Tout le monde applaudit, là. Tout le monde est content parce que c'est son gros hit. Puis après ça, là, il commence à perdre le fil. Fait que ça monte, puis ça descend, puis ça monte, puis ça descend, puis t'es pogné pendant 3 heures de temps à écouter ce gars-là, là, qui va chanter ses hits, ou la vibration est haute, puis après ça, il descend. Là, il va chanter ses downs. Tu sais, la vibration tombe, puis ensuite, il va te mettre un autre hit, la vibration monte, puis finalement, ça dure le même. Fait que, moi, si je vais à la Place des Arts, là, si jamais tu étais à la Place des Arts, puis tu me vois sortir, là, c'est parce que, là, il a fait son hit, là, puis le reste, il n'y a rien là, faut que je m'en vais. Je reste pas là, cloué sur mon siège, à souffrir. Voilà-tu, vous dire? C'est que c'est instantané. Les artistes ne sont pas capables de maintenir la vibration créative. Il n'y a pas un artiste, puis nommez en un dans le monde, que ce soit n'importe qui, Beethoven, Chopin, Mozart, n'importe qui maintient parfaitement la vibration créative. Il n'y en a pas un. Moi, je peux te critiquer. Je peux même te critiquer Michel-Ange. Il n'y a pas un artiste qui est capable de maintenir la vie durant le courant vibratoire. Il pèterait. Fait que c'est qu'il fait? Il y a des hits, puis il y a des downs. Mais les gens, ils font tous des hits, des downs. Tu comprends? Fait que toutes les Michel-Ange se vendent à des prix de fous quand il y en a un quelques-uns qui devraient se vendre à des prix raisonnables. Vas-y. L'intelligence dans le mouvement rend le mouvement parfait. T'es obligé de vibrer, t'as pas le choix. Puis c'est ça qui crée les hits, là. Ce qui crée les hits, tout le monde vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Suivant les tempéraments, puis les âges, puis les caractères. Mais ça vibre. Puis de ça, ben, il y a des gens qui soutirent les hits, là. Là, ils mettent ça dans un album, puis ils mettent toutes les hits de Schubert. Tu entends ça, puis c'est toute la haute vibration. Mais étudie, regarde les autres œuvres, tu vas voir qu'il y a des dents. Mais quand je dis rapidement, c'est le mouvement. La rapidité, ça peut être une qualité de l'intelligence créative, mais ça dépend du mouvement. Le rythme peut être ralenti pour des effets de couleur, ainsi de suite. Mais le principe est que la vibration est là. Elle est là, la vibration. Moi, j'ai écouté un gars cette semaine à Radio-Canada, je pense. Zamfi? C'est la première fois que j'entends un artiste réellement, au début de son speech, là, donner un coup à la musique. C'est comme si j'avais été là, puis j'allais parler. Là. On dirait que je me voyais dans ce qu'il disait, ce gars-là. T'sais? Il knockait la musique. Il parlait, puis il a fait du yoga. Tu sais, quand un gars commence à faire du yoga, là, tu peux mesurer son affaire. Commence à être un petit peu sensible intérieurement, percevoir. Puis, as-tu remarqué comment est-ce qu'il parlait? Il s'appartait tout de son moi. Hein? Puis, il était obligé de dire, par apologie publique, dire comme, j'ai pas mémoire, là, mais dire comme, il y en a qui pourraient penser que je suis fou de penser de même, tu sais. Quand je parlais au micro, il était capable d'assumer face au public qu'est-ce qu'il disait. Ouais. Il était centrique pas mal, tu sais. Puis il a joué sa fameuse flûte de pan, là. C'était bien. Mais qui c'est qui détermine si c'est bien? C'est ça. Moi, il me dit c'est bien. C'est bien. S'il me dit que c'est bien, qu'est-ce que je te dis? C'est bien. J'ai fait vibrer, c'est bien. Mais si Sam DeMann me dit que c'est bien, ben là, c'est une autre affaire. Parce que Sam DeMann veut vendre des records. Puis c'est pas que je fais des phases, des fois, je parle des artistes et des artistes. Il y a bien plus d'artistes que d'artistes. L'émotion doit être une mesure de la beauté de l'intelligence créative. Puis l'intellect doit servir simplement de support à l'intelligence créative. Puis l'intelligence créative doit être libre de l'astral dans l'art. À ce moment-là, t'es petit guido. T'es bête. Quand on parle d'émotion, ça veut dire que tu parles d'émotion face à la beauté. Quelle serait l'émotion? pas l'émotion face à la beauté. L'émotion qui mesure la beauté, pas face à la beauté. Si tu mets l'émotion face à la beauté, tu vas passer ton temps à chialer. L'émotion qui mesure la beauté, parce que dans une pièce, il peut y avoir une petite section qui mesure la beauté, la vibration, par après ça, ça retombe à zéro. Tu t'en vas. Mais le déclic pour transcender. Transcender, c'est quoi ça? Ben, transcender. Des gros mots. Pour rester au niveau de l'émotion. Le déclic, ça serait. Tu retombes au mental après. Quand la vibration, quand l'émotion te sert à mesurer quelque chose, elle est supramentale, cette émotion-là. Elle n'est pas astrale. Les gens pensent que l'émotion, c'est astral. C'est pas incastral, l'émotion. En général, chez l'homme, c'est astral. Puis il y a de l'émotion supramentale. Comme il y a de l'intelligence supramentale. L'intelligence, c'est pas un qu'au niveau du mental intérieur. Bon, mais l'émotion, c'est la même chose. Il y a de l'émotion qui est supramentale. Alors, cette émotion-là, c'est une vibration qui est créée par Jojo. Pour t'avertir que c'est bon. Pour te faire résonner au niveau de ta carcasse matérielle. De quelque chose. Sans ça, tu seras toujours dans le mandat. Moi, si j'allais à la place des arts, je serais toujours dans le paquet ici. Mais je pourrais jamais apprécier à la place des arts. Fait que, il te fait vibrer là. Pas toujours ici. Parce que dans le mental, tu peux pas sentir. Mental, c'est tellement éthéréel, le mental. C'est comme ta femme, c'est la même chose. De temps en temps, tu lui donnes un petit pis. Sans ça, tu seras toujours ici. Moi, quand je commence à parler à ma femme d'amour, je te jure qu'on chiale tous les deux à table. Ça arrive une fois tous les 3-4 ans. Ça ne dure pas longtemps. 10 minutes, là, on a plein de casse. C'est assez. Là. Parce que c'est une souffrance. Hey, t'as une minute. Les yeux qui tournent dans le beurre, puis le make-up, tout ça. Okay. Mais de temps en temps, quand on fait une fête ou son anniversaire, hein? Faut pas aller trop loin. Moi, je dis, tipette, je suis bien fin. Ah, là, c'est assez. Tipette. Je dis, je t'aime, puis t'as fini. Toi, vas-y. Hey. L'émotion, c'est une mesure de la beauté. De la beauté de l'amour, ou de la beauté des arts, ou de la beauté de quoi que ce soit, ou de la beauté de l'intelligence. Moi, j'ai déjà pleuré en entendant du monde parler. Les larmes me viennent aux yeux quand j'entends du monde parler dans l'intelligence. C'est une émotion. Mais qui est connectée à mon intelligence. Faut que tu perçoives l'intelligence de l'autre pour pleurer de l'intelligence de l'autre. Je comprends pas comment tu peux dire que quelqu'un peut être trop émotif, il est extrême dans l'émotivité, ça veut juste dire que sa mesure est grande. Toi, m'a parlé pour toi 2 minutes de temps. C'est éteint, là. Tu vis d'émotion. Quelqu'un parle et tu pars à rire. T'as une grande sensibilité. Toi, t'as une très belle sensibilité, mais t'as pas la maturité de ton émotion. T'as une très belle sensibilité, t'as une grande sensibilité. Mais il faut que ta sensibilité, tu la travailles. Faut qu'elle devienne ferme, ta sensibilité. Faut pas qu'elle s'éparpille tout partout. Faut qu'elle devienne ferme, puis que tu t'en serves de ta sensibilité dans certains moments de la vie. Sans ça, tu perds d'énergie. T'as envie à tous les jours, tu te lèves le matin, tu pars, t'as des crises de rire, tu t'es tassé un petit peu ça. T'avais des crises de rire, de l'hystérie du rire. Oui, c'est ça. Je comprends pas ce que tu dis, c'est comment tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que je te dis parce que tu vis ce que je te dis pas. Oui. Mais. Mais avec le temps, ça. Avec le temps, ça se tord. Mais tu peux pas vivre en rien tout le temps. Tu ris. Puis vous calculez ça dans votre jeunesse comme de un avantage puis une qualité. C'est pas un avantage qu'une qualité. Parce que moi, dire une chose, la vie, c'est extrêmement sérieux. Mais il n'y a rien de sérieux dedans. Ce que je veux dire, c'est que la vie. Je vais m'expliquer ça. La vie, d'abord, rit. Rire. Puis savez-vous pourquoi est-ce que l'homme rit? Parce que l'homme n'est pas dans son intelligence. Si l'homme était dans son intelligence, et que si les hommes, là, toute une population, ça prend toute une population pour ça. Si tu avais toute une population, là, supramentale, les gens ne riraient pas. les gens communiqueraient par télépathie constamment et découvriraient, fondraient des civilisations. Parce que tu n'as pas besoin de rire quand tu es conscient. Quand tu es inconscient, tu n'as pas besoin de rire parce que tu es obligé d'alléger la lourdeur de ton corps astral, de ton astralité, de tes sentiments existentiels. C'est pour ça que l'homme rit. C'est pour ça que l'homme, dans la vie de l'homme, il y a le rire, le masque grec du rire, puis il y a le masque grec du drame. Mais quand tu es conscient, il n'y a pas de drame dans la vie, puis il n'y a pas de rire non plus. Parce que le drame et le rire font partie de la dualité astrale de l'homme. Quand tu es conscient, tu es bien plus intéressé à parler de l'univers. Pas parler de l'univers dans le sens de rechercher à parler de l'univers, mais parler de ce qui est. Ce qui doit être dit dans le mouvement de l'énergie, de l'intelligence, que d'autres choses. T'es pas intéressé à rire. Tu vas rire pour faire plaisir aux autres. Tu vas rire un peu pour balancer les vibrations des autres. Mais si t'étais tout seul, là, moi, si j'étais tout seul avec quelqu'un qui serait supramental, on rirait en main, on parlerait souvent, là. Mais on rira pas. Pourquoi rire? Y'a rien à rire, y'a rien de drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la vie? Le rire, c'est la reconnaissance intelligente de l'incohérence. Le rire, c'est la conscience, la reconnaissance. Ça a du bon sens comme définition. Ça. Incohérence. OK. Je vais moi le prendre ce que tu dis parce que c'est ça. Le rire, c'est la reconnaissance intelligente de l'incohérence pour donner à l'incohérence une valeur émotive qui permet à l'homme de se la vivre, de se l'attribuer afin de ne pas en souffrir. Les gens rient parce qu'ils sont bêtes. C'est pour ça qu'on rit, t'entends, parce qu'on est bête, parce qu'on fait des bêtises. Alors, on rit de nos bêtises. C'est pour ça qu'on rit. C'est un sport. C'est un sport, c'est une vague, c'est toutes sortes de choses. Puis c'est extrêmement idéalisé, puis c'est bon pour l'homme inconscient, parce que ça le relaxe, et ainsi de suite. Mais quand l'homme passe dans l'intelligence, rit de quoi? Tu leur demandes quelque chose, si tu leur demandes aux autres, y a-tu quelque chose de drôle dans l'univers, ils vont te dire non. C'est l'harmonie, c'est la perfection. Le rire, tu peux t'imaginer un chien qui rit, toi? Un chat qui rit. Ils font leur affaire. Mais nous autres, on a développé le rire parce qu'on a développé de l'incohérence. On a créé le chaos. Alors, on est obligé de le rire, le chaos, parce qu'il y a tellement de contradictions dans le chaos. Et c'est tellement en dehors du réel, le chaos, que les contrastes nous font rire. Le rire, c'est apprivoiser en soi l'émotion du contraste. C'est ça, rire. Puis si tu ris pas, les gens disent, ben. Je peux pas limiter ça juste à un surplus d'énergie qu'il faut qu'il sorte. Tu peux expliquer n'importe quoi. Tu peux dire que le rire est un surplus d'énergie, mais un surplus de quelle sorte d'énergie? D'énergie émotive. Il doit pas. L'homme, si tu as un surplus d'énergie en toi, c'est parce qu'elle n'est pas canalisée l'énergie. Oui, c'est ça. T'sais, moi, j'en ai pas de surplus d'énergie. Dans la tête, dans l'émotion, dans le péteux, elle passe tout. Je n'ai pas de surplus d'énergie. Elle passe. Dans ta pompe, dans ta cuisine, il n'y a pas de surplus d'énergie. Ta pompe, elle viendra grosse de même. Elle passe l'énergie. Fait que parlez-moi pas des surplus d'énergie. Les gens parlent des surplus d'énergie. Si vous avez des surplus d'énergie, faites un trou dans votre corps et laissez-la passer, cette affaire-là. C'est un blocage. Définitivement, c'est un blocage. De l'énergie qui crée le surplus d'énergie. Ensuite, c'est subtil, parce que là, automatiquement, comme vous êtes dans cet état-là, ben vous allez prendre le surplus d'énergie comme une qualité, vous autres. Vous allez dire, j'ai de l'énergie. Bah, bah, bah, bah, bah. Non, je ne prends pas ça comme une qualité, je prends ça comme tu dis, une maturité à ne pas pouvoir canaliser ça. Puis... Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre le surplus. Ils vont dire, mon enfant, il y a de l'énergie. Il n'y aurait pas une crise de minute. Ils sont contents. T'sais. T'en sens, Du B12. Hey, la vie, c'est quand t'as l'énergie pour faire, ça marche. Mais à part de ça, tu reviens au camp. Tu dois passer. Moi, je peux passer à la grande diatribe, puis passer au repos. Puis la grande diatribe, puis passer au repos. Pleurer, puis continuer dans le mental. Puis ça continue l'affaire. C'est ça, l'équilibre des centres d'énergie. Sans ça, tu vas passer ton temps à rire. Puis si tu passes ton temps à rire, tu n'auras pas le temps de t'arrêter pour voir ce que tu sais. C'est pour ça que les gens... Si vous regardez les grands scientifiques dans le monde, les gens qui ont réellement donné des choses à l'humanité, c'était des gens extrêmement sérieux. Il n'y a pas le temps de rire. Mais si tu vas au forum, si tu vas dans les brasseries du soir, la bien Molson, tu vas voir que c'est rien maudit là. Quand tu quand on est inconscient, on en souffre de ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, je criais pas gros, j'étais pas un rieux. Puis tout le monde riait, tout le monde comptait des jokes, je comprenais rien. Fait que tu te penses niaiseux, puis tu te penses ci, puis tu te penses ça. Rire, c'est qu'il y a rien de trop. Qu'est-ce que c'est le sérieux? Ça se communique, le rire, tu sais, c'est comme le tout. Qu'est-ce que c'est le sérieux inconscient, ça? On l'appellera peut-être pas ça le sérieux, peut-être la langue. Hein? Qu'est-ce que c'est le sérieux inconscient? Le sérieux inconscient, c'est donner de la valeur aux choses qui sont pas là réellement. C'est ça le sérieux inconscient. Il n'y a rien de sérieux dans la vie. Le sérieux dans la vie que les gens se donnent inconsciemment, c'est l'opposé du rire. C'est la même chose, ça fait partie du drame de la vie. Et quand tu es conscient, il n'y a rien de sérieux. La vie, c'est simple. Ça n'est ridicule. C'est toi que tu fais ça, tu l'expliques au monde et ils comprennent rien. C'est simple, simple. Ça n'est ridicule, la vie. Tu n'as qu'à parler avec eux autres, tu vas voir comment c'est simple, la vie. Ça ne m'a pas parlé avec eux autres. Faut que tu aies faut que tu aies suffisamment des corps stables. Sans ça, ça devient astralisé, ce qu'ils disent, puis automatiquement, tu comprends pas ce qu'ils veulent te dire. Ton radio est tapé. Dans l'art, tantôt, tu disais, supposons comme dans... Moi, la mère-enfant me fait rire, là. Il me pousse des bosses en arrière de la tête quand elle me fait rire. Puis là, elle se tasse, elle rit moins qu'avant. Mais c'était pas un cadeau avant. Hey, je suis obligé de me cacher quand je la voyais. Parce qu'elle me fait des jokes, puis elle a un bon sens d'humour, tout ça. Puis il me pousse des bosses, si tu le crains. Ça me fait mal physiquement. J'ai dit, prends saisie, là, fais-moi pas trop rire, parce que moi, je souffre, ici. Quand tu me fais trop rire, là, elle me fait moins rire. Mais c'est malgré elle. Elle m'en pète une, voilà, tu puis whoop, encore. Là, le Bessette, une fois, j'étais fatigué, le Bessette, il dit, bon, ben, il a pris la relève, il commençait à jaser, puis il commençait à faire des jokes, là, il y a encore des bosses qui me poussaient. Rire. Pas besoin de rire. Moi, j'ai bien plus de fun à m'asseoir avec une personne et parler pendant des heures de temps que de rire. Rire, Maurice. Si je suis avec toi, tu vas faire une joke, Maurice. D'abord, tu es sérieux. Mais ceux qui rient, là, je ris avec eux autres par politesse, par. Mais moi, je ris. Ça me dit rien. J'ai pas besoin de ça. Je peux faire rire le monde. C'est parce qu'ils sont capables de rire. Je fasse les notes pour faire comprendre quelque chose. Je crée des contrastes. Mais moi, ça me fait pas rire, je trouve ça intelligent. Moi, quand je fais rire, je parle à eux autres, je dis c'est intelligent ça. Ouais. Fait que ça tombe toujours à l'intelligence, ça tombe pour rire. Il n'y a pas d'intelligence dans le rire. C'est une émotivité, c'est une émotion. Ça, des fois, tu dis des choses, c'est de l'intelligence, mais oups, ça tombe. Pour les autres, ça tombe de la stupidité. Ça fait rire. Comme quand je fais la fête du chameau, là, tu sais. Ah. Elle est toujours croche, mais elle est toujours comique, quand elle parle. C'est de l'intelligence, ça. Même si je ne rapporte pas la fête du chameau comme du monde, la façon que je la rapporte, c'est de l'intelligence, c'est un autre. C'est vite l'intelligence. Mais comme il n'y a pas d'astralité, ils font sortir les croches pour faire rire le monde. Pour descendre les vibrations, mais des fois ça devient un petit peu. Voilà, un petit peu tête, ouais. Ça a une fonction de rire à ce moment-là. Mais rire pour rien. Je comprends pas ton terme émotivité. L'émotion, quand elle est créée dans l'homme par l'intelligence, par la lumière, à ce moment-là, elle est consciente. Est-ce qu'elle est neutre? Elle est neutre, totalement neutre. Elle n'a aucun poids. Elle n'a aucune tristesse après. Parce que dans l'émotion, il y a toujours une petite tristesse après. C'est comme le sexe. Vous faites de l'amour, ben ça vous ennuyez. T'sais. Ça dure pas assez longtemps. Hein? Seulement sur le plan matériel. Quoi? L'émotion. L'émotion qui est générée par l'intelligence. Ben oui. Parce que ça prend un centre. Il faut avoir un corps vital. Ça prend un centre d'énergie pour ça. On l'a ici. Comme ça, ça l'a. C'est dur à faire à comprendre l'homme l'importance de l'intelligence et de la volonté. Puis quand on le comprend, t'as besoin d'autre chose. Pas d'amour. Vous n'avez jamais besoin d'amour sans terre. C'est ça, quand même. Non, là, c'est... L'intelligence de la volonté, vous en avez besoin. Mais de l'amour. Vous êtes amour, vous n'avez pas besoin. Quand t'es d'amour, tu n'as pas besoin. Aussitôt que tu as besoin d'amour, tu tombes dans l'astralité. Quand t'es conscient, t'as pas besoin d'amour. Comme t'as pas besoin d'intelligence, comme t'as pas besoin de volonté égoïquement, et là, à passe, tu t'en sers. La volonté, à passe, tu t'en sers. L'intelligence, à passe, tu t'en sers. L'amour, à passe, ça te fait vibrer dans ton émotion pour une raison quelconque. Mais tu peux pas t'en servir. Tu peux servir l'intelligence, la volonté, mais tu peux jamais te servir l'amour, tu vas te faire vider net. Alors, pour empêcher que tu aimes sur la terre, tu dois être. C'est la protection de l'homme conscient, la haine. Sa protection. C'est sa protection. Moi, quand tu parles d'amour, j'ai toujours envie de parler de respect. Parce que il y a bien d'autres choses qui puissent être le plus beau dans les relations, dans les communications entre les personnes que le respect. Souvent, quand je parle de ça, moi, je donne toujours l'image. Je donne souvent l'image de. Tu sais, tantôt, tu disais trahir sa race. Là. Mais moi, je vais dire souvent reconnaître sa race. Le prince et princesse. Moi, j'utilise cette image-là beaucoup parce que se reconnaître comme prince, c'est se reconnaître dans ce qu'on est, qu'on a droit. Mais il n'y a pas de subjugation, tu sais. Il n'y a pas de un rouet, ça domine. Mais se reconnaître comme prince, se traiter comme prince, ça, en tout cas, c'est très, très important. Si je ne connais pas ma race, moi-même, je ne peux pas me respecter et je ne peux pas me faire respecter. Puis me faire respecter, c'est ça d'ailleurs. Il y a des gens qui demandent aux autres du respect, mais quand tu vis des choses irrespectables, tu ne peux pas respecter l'irrespectabilité. Par exemple, quand un homme se traite comme une guenille, il ne mérite pas mon respect, je ne peux pas être consciente et complice de la façon qu'il se traite comme une guenille. Mon intelligence peut être complice, c'est son manque d'intelligence. C'est ça. Sans ça, ça ne sera pas d'intelligence. De détester la condition dans laquelle il se met lui-même. Mais dans la condition, moi aussi, que je me mets moi-même des fois. Je me traite tellement mal moi-même, puis je demande aux autres qu'ils me traitent bien. Tu sais, que j'ai envie de pas être bien traité, mais c'est moi qui ai fait ça, quand je me traite pas bien. Et quand je me reconnais, puis ça, ça fait partie de tout. Tu as déjà parlé de la loi d'impression, mais ça découle de ça, tu sais. Moi, je me dis, un prince, quand il dit « mange la merde », il ne peut jamais dire ça comme quelqu'un qui n'est pas un prince. C'est un autre vibration. Ça paraît dans la tenue d'un être humain, ça paraît dans sa façon de se vêtir, c'est qu'il harmonise, de par sa propre vibration, il harmonise son environnement. Par exemple, il y a des gens qui disent « ben oui, mais j'ai pas d'argent, puis tu n'arrives pas, peut-être. » Tu vas créer ton milieu ambiant qui te ressemble quand tu reconnais ta race. Tu peux pas supporter des cohérences autour de toi. Puis si on faisait juste reconnaître ça, là, au lieu de broyer sur notre sort, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle une petite fille, une telle chose que ça veut dire. Juste reconnaître ça. C'est comme se mettre en dessous du chapeau de lumière, j'en ai dit. Mais il faut que je fasse mon mot pour ça. Il y a tout le monde qui marche à quatre pattes qui vous dit que l'ajustable de pensée les rejoint. Ça veut dire commencer par se tenir debout. Mais dans cette noblesse. Il faut qu'on fasse notre mouvement. Ouais. Parce que la volonté et l'intelligence dans l'homme, c'est le contact entre lui et nous-mêmes. Alors, si lui fait le contact, la résultante de ça devient pour nous autres de l'intelligence et de la volonté. Mais si on n'enregistre pas cette énergie-là, quand même, qui se fendra en quatre, il n'y a rien qui se passe. Puis automatiquement, on retombe dans l'astral, dans nos vieilles habitudes. La vie, là, La vie consciente sur le plan matériel, tant qu'on n'est pas dans les terres, c'est un combat constant. Seulement, ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, on devient tellement intelligent, puis tellement volontaire, qu'on a, dans le combat, créé les outils qu'on a besoin pour construire notre environnement. Puis une fois qu'on est dans notre environnement, il est tellement solide, puis il est tellement parfaitement agencé, qu'à l'intérieur de notre environnement, on est en repos. Si on sort, on peut avoir à combattre encore. Mais ensuite, on revient chez nous, puis on est en repos. Puis on ressort pour qu'on va, parce qu'il y a de l'inconscience. Puis ensuite, on revient chez nous, on est en repos. Mais notre environnement est parfait. Et un être conscient devrait en arriver à se construire avec le temps un environnement totalement parfait, où il puisse se retirer et ne pas souffrir de la vie, des conditions de la vie qui font partie de l'inconscience des autres, mais avec lesquelles il doit souvent avoir des entreliaisons pour, parce qu'il est sur le plan matériel. Dans son environnement, il laisse seulement rentrer ceux qui sont dans l'intelligence. Ça, tu troubles l'environnement. Mais